بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية يا إخوان أفل لها والله. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الدعوة السلفية باليمن. الplaisir de vous présenter ملخص الفقه باب الصيام للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Le résumé de la jurisprudence, chapitre du siyam, par Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Expliqué et commenté par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji, hafizahullahu ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit en profit pour l'islam et les musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'a tharahum waktafa. Amma ba'da fa inna astaqa al-hadithi kitabullah wa khayru hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأن رآها الناس حسنة أما بعد. Le lien qui a été posé, c'était par rapport à quoi? Par rapport au mot OK. Et ils ont dit quoi? Comme ça tout le monde profite, Inch'Allah. C'est préférable de délaisser. C'est de qui plutôt la fatwa? Ceux qui ont vu que c'était détestable ou bien qu'il fallait mieux délaisser. J'ai la hair au sujet de ce mot-là. Non. T'as Inch'Allah, on va regarder. Donc Inch'Allah, on poursuit le chapitre du Siyam de Moulakhas al-Fiqih, le Cheikh al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Donc, on a pu voir hier, parmi les règles qu'on a pu voir hier, c'était par rapport à la niya. On a vu que la niya, c'était une condition qui est requise afin que le jeûne soit accepté. Et hatta, c'est une condition qui est requise dans toutes les ibadat, comme on a pu les ramener les dalils par rapport à cela. On a pu voir que le fait d'intentionner lorsque tu veux accomplir une œuvre, ou lorsque tu veux accomplir une adoration, il faut que tu intentionnes pour cela trois choses. Que cette adoration soit faite pour Allah Azzawajal et pour et personne d'autre. Et que cette intention-là, kadalika, il faut que tu t'intentionnes la chose que tu veux faire. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est recommandé? Il faut que tu intentionnes la chose ou bien plutôt l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Et ensuite, kadalika, que tu intentionnes que ceci est une soumission aux ordres d'Allah Azzawajal, si jamais c'est une recommandation, que c'est un mustahab que tu es en train d'accomplir, ou bien si jamais c'est un ordre, que ce soit une obligation que tu es en train d'accomplir. Cela afin de, que l'œuvre ne soit pas telle à qui est faite, un peu de manière coutume, sans pour cela ressentir une soumission à Allah Azzawajal et aux ordres qui sont avisés. On peut voir que cette niya, il faudrait qu'elle soit intentionnée avant le fajr, avant le lever du deuxième aube. Car on a pu voir que le Nabi sallam a dit « Wa innama likulli mari'in ma nawa ». Et là, la personne sera, ou plutôt le serviteur sera récompensé selon son intention. Donc, si jamais tu veux intentionner le siyam, tu dois l'intentionner à partir du moment où il commence. Parce qu'après que le fajr s'est levé, c'est plus un siyam. Ça s'appelle plus siyam ramadan. Ça s'appelle plus siyam ramadan, tu l'as loupé. Et c'est ma'rouf, l'œuvre doit devenir après l'intention. Après l'intention, et l'intention doit précéder l'œuvre. Donc il faut la faire précéder avant le lever du deuxième aube. Et on a pu voir kadalika qu'il suffisait pour cela d'intentionner de jeûner le mois de Ramadan. Et qu'il n'était pas conditionné d'intentionner à chaque nuit de Ramadan que tu vas jeûner. À partir du moment où tu n'as pas l'intention de rompre cette intention-là, tant que tu as intentionné au début de Ramadan que tu vas jeûner le mois entier, ceci est suffisant et pour que ta niya soit comptée comme valide pour pouvoir accepter ton œuvre. Donc on a pu voir par rapport à cela, c'est-à-dire que si la personne s'est levée après que l'aube il s'est levé après l'aube, donc lui peut poursuivre son siyam parce qu'il avait déjà l'intention depuis le début du mois de jeûner. Et on sait que alors Ramadan c'est une ibada, c'est une ibada, c'est une seule ibada. Même si jamais elle a 30 jours ou bien 29 jours de jeûne, siyam ramadan, c'est une ibada en elle-même. Donc le fait d'intention de cette ibada en elle-même, ça suffit. Comme c'est le cas pour le hajj. Elle est composée de plusieurs ibadats et te suffit d'intentionner le hajj. On peut voir aussi que l'intention, sa place est dans les cœurs et non pas sur la langue. Et celui qui intentionne de jeûner en prononçant son intention, il sera dénombré comme un mubtadi'. Dénombré comme un mubtadi', car c'est une chose qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Et kadhalika, il sera dénombré des gens d'une faiblesse d'esprit. Car comme on a pu voir à travers la parole de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, التلفظ بالنية الذي سين بدعة في الدين وخفة في العقل. Donc c'est une innovation dans la religion, car le Messie ne l'a pas fait, et ni les Sahaba, et خفة في العقل, parce que c'est ma'ruf, celui qui intentionne une chose et qui veut la faire, il n'a pas besoin de la prononcer. Celui qui veut manger, il ne veut pas dire je veux manger. Il prend pour soi la ustensile et il mange. Même si il commence à prendre, je prends la fourchette pour ensuite la planter dans la viande, pour ensuite dire Bismillah, pour ensuite pour manger. Pour ensuite que je sois rassasié, pour qu'il ait tout cela, on aura dit cette personne-là, yani, allez, mais je ne l'ai possédé. Donc c'est la même chose, dernier pour les ibadat. Parmi les choses qu'on a pu voir, kadhalika, c'est que il fallait empresser la rupture du jeûne. Cela fait partie de la sunna d'empresser la rupture du jeûne, et même hatta, c'est une chose qui va mettre en avant et en apparence la religion. Et le fait de délaisser cela, c'est de délaisser le comportement des mursalin, des envoyés, alayhim salatu wassalam, car leur sunna c'était d'empresser la rupture du jeûne. Et si on délaisse cela, c'est une ressemblance avec les Yahoud et les Nasara. Comme on a pu le voir dans le hadith, les Yahoud et les Nasara, ce sont eux qui retardent leur jeûne. Comme cela a été évoqué dans la parole de l'imam al-Manawi, fi Fayd al-Qadir, il nous a dit que certains des Yahoud et Nasara, ils retardaient la rupture du jeûne jusqu'à l'apparition des étoiles, comme le font les Shi'as, comme l'ont évoqué certains ulama. Donc il faut empresser la rupture et non pas la retarder. Hakadha qu'un Nabi Sussam il faisait. Lorsque Aïcha, on lui a posé la question sur deux personnes. L'une de ces personnes-là a raté la rupture du jeûne et la prière du Maghrib, et la deuxième a retardé les deux. Elle a demandé qui des deux empresse et hâte le pas lorsqu'il veut rompre son jeûne. Et Naham prie le Salat al-Maghrib, tamam, et empresse la Salat al-Maghrib, ils ont dit c'est Ibn Mas'ud, elle a dit, c'est ainsi que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Donc ça c'est la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. Donc tu te différencies par cet acte-là des Yahoud et Wal-Nasar. Et ça suffit comme compliment, et ça suffit qu'à les cas comme réprimande à celui qui retarde la rupture du jeûne, car il sera identifié aux Yahoud et aux Nasara, à la pire des espèces. Parmi les choses qui nous ont il a pu nous évoquer qu'il était bien de rompre le jeûne avec quoi? Avec des rotobats. Rotobats, c'est yani les dates de bonne qualité qui sont un peu molles, molles et fraîches. Les dates qui sont de bonne qualité, un peu comme Deglet Nour. Deglet Nour, les dates d'Algérie, celles que lorsque tu tires sur tu prends la date, le noyau reste sur la branche. Ce genre de date-là. Amma, si jamais il ne trouvait pas ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y en a un hadith qui est venu, s'il ne faisait pas cela, ou plutôt il ne trouvait pas cela, il prenait une date, yani normale. S'il ne trouvait pas cela, il prenait une gorgée d'eau. On a pu voir que ce hadith-là, il n'a pas été, ou plutôt yani, il a été discuté, ce hadith-là, il a été discuté. Certains voient que ce hadith-là n'est pas authentifié. On a pu voir que le mieux, c'était de s'abstenir, d'avoir la conviction que lorsque tu vas rompre le jeûne, qui fait partie de la sunna, de rompre cela avec des dates, ou bien avec de l'eau. Amma, si jamais tu le fais, sans avoir la conviction que c'est une sunna, ceci est une chose qui est, il y en est très recommandé au point de vue de santé, comme on a pu le voir à travers la parole de Cheikh l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Car là dans cela, comme il a dit, il y a une influence dans le fait de boire et de manger, non seulement sur le corps, mais kataleka, dans les cœurs. Et il a dit le fait de boire, ça hydrate le foie, qui est à tendance que lorsque tu jeûnes, à se déshydrater. Donc il a dit c'est bien de faire ça, car il y a dans cela, tu préserves ta santé, et il y a des vertus au point de la santé et des vertus médicinales. Et comme l'a dit le Hafid Ibn Hajar, n'importe quelle chose que tu bois ou bien que tu manges, ce sera compté comme iftar, comme rupture de jeûne. On a pu voir qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrivait de rompre le jeûne avec une bouillie, comme cela a été évoqué dans le hadith muttafaqan alayh. Kadhalika, il a évoqué Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, une mas'ala qui est muhimma jiddan, c'est que certaines des personnes pendant les nuits de Ramadan, lorsque c'est le moment de rompre les jeûnes, tu les vois, il y en a prendre un dîner complet avant de prier. Comme on a pu le voir, ceci est khilaf sunnah. La sunnah, c'est que tu fasses précéder al-iftar. Hatta Nabi Sallam, il a dit l'iftar, il n'a pas dit, il y en a de faire précéder le repas. Tu fais précéder l'iftar, c'est-à-dire un repas léger, histoire que tu sois concentré, inshallah, dans ta salah, et que tu te déshydrates et tout, t'as-même, tu reprends un peu de force. Et ensuite, tu vas prier. Ensuite, tu vas prier. Comme on a pu voir à travers le hadith d'Aïcha, Ibn Mas'ud, il a été la rupture du jeûne, et qu'à l'écart, la prière du maghrib. Aïcha a dit, radiyallahu ta'ala anha, hakadha kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Le hadith est rapporté par l'imam muslim. Donc, il faut faire cela. Prendre un repas léger, et ensuite, aller à la prière. Une chose qui était suffisante afin que tu puisses, inshallah, être concentré pendant ta prière. Même ceux qui retardent, comme l'a évoqué le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, la prière jusqu'à ce qu'ils prennent un dîner complet, une entrée, plat de résistance, dessert, un thé, une sucrerie, et la khiri, ça c'est khilaf sunnah. Ça c'est khilaf sunnah. Il ne faut pas délaisser cela. En plus, il nous dit que par cela, il est en train de faire quoi? De faire une chose qui est azim, ou plutôt il fait par cela un grand péché, un gros péché qui est de délaisser la prière en commun. De délaisser la prière en commun. Si jamais son habitude c'est de faire cela, là, il a délaissé, certes, il y a une prière en commun. Car on voit que la sunna du prophète, c'est de prendre un repas qui est léger. Donc préparer un repas qui est léger, des dattes, avec quelques briques, ou bien, comme on a un peu l'habitude de faire, un truc un petit peu léger, tu manges et ensuite, tu vas à la prière. Tu vas à la prière. Et au mu'adhin, et qu'à l'écart à l'imam, d'observer, il doit être hakim, il doit observer les personnes qui sont derrière lui, comme on a pu le voir dans Sifat Satan Abid. Si jamais tu sais que la plupart des gens, et surtout si jamais c'est des gens de la masse, ils ont jeûné, il ne faut pas que tu te mettes à lire le mursalat ou bien des sourates qui sont donc, allège aux personnes qui sont derrière toi, afin qu'ils ne fuient pas, et que ça amène à ce qu'ils délaissent la prière en commun, et jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés avant qu'ils prient la prière du maghrib. Et qu'à l'écart, le mu'adhin, il ne s'empresse pas, il a fait appel à l'adhan, que 5 minutes après, il fait l'iqama, laisse les gens un peu manger, reprendre des forces, boire, s'hydrater, et la khiri. Laisse un petit 10 minutes, même si un peu plus, histoire que les gens ils prennent leur force, ils prennent un repas léger afin qu'ils soient concentrés dans la prière. Ensuite, commence la prière, sans non plus qu'à l'écart retarder 10 minutes, c'est suffisant, Inch'Allah, pour que tu t'y déshydrates et tu bois un petit peu, et que tu manges et reprends un peu de tes forces. Surtout, il y en a dans les dates, comme on a pu voir, les dates, comme l'a dit l'imam Al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, c'est un repas, c'est une sucrerie, il y a des vertus au niveau de la santé, il y en a qu'à l'écart, il y a. Un profit au niveau énergétique, ça te redonne un peu de force et tout. Donc, il y a prendre ces choses-là auxquelles c'est un complément, un repas et kada wa kada. Comme ça, Inch'Allah, barakallahu fikum, directement, il va à la prière et Inch'Allah sera concentré dans sa prière et on sera pour ta'am. Quant au hadith qu'on a pu voir dans Sifat al-Salah, il y a Iza quddima al-Asha wa uqima al-Salah, fala tabdul al-Asha hatta yaflagha minhu. Il dit, lorsque le dîner est posé et que l'appel à rejoindre les rangs est fait, il faut précéder le dîner et qu'il ne s'enfresse pas pour cela. Comme l'a pu dire Nabi Sassam, c'est al-ashar, c'est le dîner. Amma al-iftar, il y a un farq, il y a une différence entre al-iftar et le dîner. Le dîner, c'est un plat vraiment complet et l'akhiri, amma al-iftar, c'est une chose qui est légère. Donc il faut faire précéder l'iftar. Il ne faut pas prendre ce hadith-là pour que tu délaisses la prière en commun. Sinon, tu vas délaisser la prière en commun et c'est une chose qui est wajib. On a pu voir Kadalika qui fait partie. Barakallahu fikum. Ou plutôt, il a évoqué Cheikh Al-Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, qui fait partie de la sunnah, lakin, comme on peut le voir, qu'il fallait dire dernier certaines choses au moment où tu vas rompre ton jeûne. Qu'il y a une dua qui est légiférée pour cela. Comme on a pu voir, le hadith, il n'est pas authentique. Zahab al-Dham'a, yani, la soif est partie. Et les veines sont hydratées. Et la récompense, Inch'Allah, elle est auprès d'Allah Azzawajal. Ce hadith-là, il n'est pas authentique. Ce hadith-là, il n'est pas authentique. La chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui est qualifié de da'if par la majorité des ulama du Jarh ou Tardil, de la louange et la critique. Donc ce hadith-là, il n'est pas authentique. La seule chose qui est légiférée, c'est que tu dises Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et tu manges. Quand Nabi sallam, ya ghulam, qul bismillah, dis bismillah, et lorsque tu veux manger, kadalaka, lorsque tu as fini de manger, tu dis alhamdulillah, comme l'a ordonné Nabi sallam, inna Allah yarda an al-abd, idha akala al-aklata, an yahmadu alayhi, وَإِذَا شَرِبَ أَشْرَبَتَ أَنْ يَحْمَدُهُ عَلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala agré de son serviteur lorsqu'il mange, qui le loue lorsqu'il a fini de manger, et qui le loue kadalika lorsqu'il a fini de boire. On a pu voir aussi un hadith dans lequel il a rapporté Shir que à un moment où tu vas rompre ton jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala il t'exauce, inshallah, ton invocation. Ce hadith-là, kadalika, il n'est pas authentique. Dans la chaîne de transmission, il y a des personnes qui ne sont pas dignes qu'on prenne leur hadith, tamam, qui sont matrouk, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas prendre le hadith et même pas le fortifier. Et comme on a pu le voir, il y a un autre hadith qui est encore bien meilleur que celui-là, qui remplace ceci, qui est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Muqbil, rahimahullahu ta'ala, dans lequel il dit « Salatatun la turadu da'watuhum » Il y a trois catégories de personnes dont leur invocation, leur requête, leur demande n'est pas rejetée. Parmi eux, l'imam al-adil, le gouverneur qui est juste, as-sa'im hatta yuftir, le jeûneur jusqu'à ce qu'il il va rompre le jeûne. Donc il faut jeûner, il faut faire beaucoup de dua à partir du moment où tu es jeûneur. Et quand il y a la troisième partie, c'est la troisième catégorie, c'est celui à qui on a fait une injustice. Qui lève ses mains vers Allah azawajal, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, sa dua, son invocation, elle est levée auprès d'Allah azawajal. Wa laysa baynahu wa bayna Allah hijab. Il n'y a rien qui n'empêche que Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation de celui qui a été opprimé. Et pour finir, il nous a dit, hafidhahullah ta'ala, qu'il incombe à chacun de connaître les règles du siyam, qu'il connaisse les horaires, à partir de comment ça commence, à partir de quel moment ça se finit, afin que son siyam soit, il corresponde au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le fait de faire correspondre ton œuvre à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une condition qui est requise afin que ton œuvre soit acceptée. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui souhaite rejoindre Allah Azza wa Jalla, ou plutôt le rencontrer, ou plutôt celui qui espère cela, qu'il œuvre d'une manière bonne, c'est-à-dire que, comme on dit les ulama, que son œuvre soit à correspondre à la sunnah, et il ne fait pas d'association dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Donc il faut que nos œuvres soient à correspondre à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait parmi des choses qui sont parmi les obligations individuelles, les obligations individuelles qui incombent à chacun de nous d'apprendre. Car al-siyam, ça fait partie des choses, comme ils disent, de l'obligation qui est individuelle, et non pas l'obligation selon la suffisance. Comme c'est le cas, maintenant, de salat al-janaza. Salat al-janaza n'est pas obligé à toute la communauté. À partir du moment qu'une partie suffisante se décharge de cela, le péché sera levé à ceux qui n'auront pas prié. Tamam. Lakin, as-siyam, ça t'incombe à toi-même. Comme le fait que tu adores Allah azawajal avec sincérité, ça t'incombe à toi-même. Ou que tu fasses la prière et la khiriris, tout ça, c'est des obligations, tamam, individuelles, qui t'incombe à toi-même de faire. Si jamais tu ne le fais pas, tu es pécheur. Tu as commis un péché. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on commence pour suivre le. D'accord ? Qala rahmahullah ta'ala, babun fi mufsidat as-sawm. Donc là, c'est un nouveau chapitre selon lequel il va nous évoquer les choses qui vont annuler le siyam. Mufsidat, c'est comme al-mubtilat. Mufsidat, c'est la chose qui va pervertir ton adoration. Et on peut l'appeler aussi kadalakash, mubtilat, c'est la chose qui annule. Deux expressions qui sont qui sont utilisées auprès des savants des fondements de la jurisprudence. Mufsid, mufsidat, wa kadalika mubtilat. Donc il nous dit le chapitre dans lequel il va être évoqué les choses qui annulent ou bien qui pervertissent ton siyam. قال رحمه الله تعالى للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليجد نعم ينودي كل صيام إلى des choses qui annulent qui annulent cette adoration auquel il incombe à chaque musulman de connaître. قال ليتجنبها ويحذر منها afin qu'il s'en écarte et qu'il soit mis au courant de ces choses là لأنها تفتر الصائم car avant annuler le jeûne du saïm, « وَتُفْسِدُ عَلَيْهِ سِيَامَهُ وَهَذِي مُفْتَرَاتِ مِنْهَا. Donc, il nous dit que ceci incombe à tout le monde. Parmi les musulmans, qui est mukallaf, c'est-à-dire celui qui est baligh, lorsqu'on parle du musulman, à qui on nous dit c'est obligé, qu'il lui est obligatoire de faire ceci ou cela, c'est celui qui est mukallaf. Comme on a pu voir, le mukallaf, c'est qui? Comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen, lorsque tu entends mukallaf dans la parole des jurisconsultes, c'est celui qui a atteint l'âge de puberté et qui est, qui a toujours sa raison, qui n'est pas possédé, qui n'est pas majnoun. Donc à ces personnes-là, il incombe de connaître ces choses-là. Et ça, c'est un ijma'a. Ijma'a al-ulama ala zalika. Ijma'a al-ulama ala zalika. Ils sont tous unanimes que tu dois apprendre les choses qui te sont obligées à l'individuel. L'obligation à l'individuel. Ces choses-là, elles te sont obligées de connaître. Comme l'a dit l'imam, si je me rappelle bien, Ahmed, rahimahullahu ta'ala, lorsqu'ils lui ont demandé à Talab al-Ilm, par quelles choses on commence dans Talab al-Ilm, il a dit, commence par les choses dont tu en as besoin dans tes jours et nuits. Tu as besoin dans tous tes jours de adorer Allah Azza wa Jal sincèrement. Et tu as besoin de savoir comment tu pries. Tu as besoin de savoir comment tu vas donner à Zakat, l'argent pour cela. Si jamais tu dois savoir comment jeûner. Donc toutes ces choses-là t'incombent à toi. Et surtout, Yanni, le siyam, parce qu'on est à la porte du mois de Ramadan. Donc il faut qu'on sache comment on doit jeûner afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte notre jeûne et afin qu'il soit naham et qu'il corresponde à la suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a évoqué Sheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, juste avant. Donc là, il y a un ijma'. Ils sont tous unanimes par rapport à cela. Que les choses qui te sont obligatoires à l'individu, tamam, qui sont obligatoires à l'individu, l'obligation selon l'individu, tamam, à l'individuel, toutes ces obligations-là, tu dois les connaître. Si jamais tu les délaisses, tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Tu peux qu'en prendre à toi-même. Si jamais tu viens yawm al-qiyamah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te pardonne pas. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et qu'à laquelle, jahl, yani, dans ces choses-là, il n'est pas très accepté. Tamam, à part si la personne habite dans un coin, il n'y aura pas de ulama ou il n'y aura pas les intermédiaires pour pouvoir apprendre sa science. Là, c'est une autre chose. Tamam. Amal-an, comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, alhamdulillah, tamam, les intermédiaires pour apprendre la science, ils sont nombreux. Que ce soit dans les livres, que ce soit à travers les durus, yani dans des salons, que ce soit yani, que tu fasses des talab al-ilm, que ce soit que tu appelles le ulama, tamam, tout cela, ça fait partie des intermédiaires pour que tu apprennes la science. Comme a dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, faqala, at-tariq ila al-ilm tariqan. Donc il dit la voie pour apprendre la science, elle se divise en deux. La première, c'est que tu t'assoies devant les ulama, et ça, c'est la meilleure et la plus illustre des manières d'apprendre ta science. Et c'est celle que Anabi sallallahu alayhi wa sallam a donnée à ses as-sahaba. Ou à la meilleure des guidées, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième, si tu ne peux pas, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ignorez. Donc tu appelles un savant de confiance que tu sais qui est connu pour son suivi dans la sunna, tamam, et être quelqu'un qui est indépendant dans ses jugements, tu l'appelles et tu lui demandes comment il faut jeûner, ceci, cela et l'akhiri. Alhamdulillah, il y a des kutub qui sont traduits dans toutes les langues afin que le musulman il adore Allah Azza wa Jal avec la voyance. Donc ceci est une chose qui est obligatoire à chaque musulman qui est pubère et qui a une âme qui n'est pas possédée, qui a sa raison. Il dit وهذه المفترات, il y en a plusieurs, قال ومنها الجماع, c'est-à-dire le rapport sexuel pendant la journée du Ramadan, pendant la journée des jours de Ramadan. قال فمتى جامع الصائم بطل صيامه, à partir du moment où le saïm il a des rapports avec son épouse pendant as-siyam, à partir de ce moment-là son siyam il sera annulé, son siyam il sera annulé. Et comme elle a dit, as-sa'im, c'est-à-dire celui qui jeûne. Amal musafir, celui qui a vu pour lui qu'il était meilleur de ne pas jeûner, comme on a pu le voir, le musafir, il est libre. S'il veut, il jeûne, et s'il veut, il délaisse le jeûne. Tamam. Donc celui-là, si jamais son épouse kazalika fait partie des gens qui sont excusés, il a le droit tout à fait de consommer les rapports avec sa famille. Amal celui à qui il incombe de jeûner, comme c'est le cas du résident, celui qui est dans toute la capacité de jeûner, celui qui est pubère et qui a toute sa raison, si jamais il fait cela, son jeûne il sera annulé. Que sa famille soit en état de jeûne ou bien que sa famille ne soit pas en état de jeûne, il n'a pas le droit de faire cela, car cela va annuler son siyam. Et ça, bi ijma' al-ulama, même les ulama sont tous unanimes sur cela, que celui qui consomme un rapport, c'est un rapport, le rapport sexuel, pendant Ramadan, pendant la journée de Ramadan, même volontairement pour cela, et ben son siyam il est annulé. Son siyam il est annulé car il n'est pas excusé pour cela. Et les ulama comme Ibn Hazm, Ibn Mundhir ou Ibn Qudamah, rahimahumullah, ils ont évoqué l'ijma' pour cela. Et la preuve qui nous prouve cela, qaluhu sallallahu alayhi wa sallam, yada' ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Ou plutôt le hadith, c'est un hadith qudsi dans lequel Allah Azza wa Jal, qui est muttafaqan alayhi, il nous dit le sa'im, il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses passions pour moi, et ses passions pour moi. Donc celui qui ne fait pas cela n'a pas jeûné. Il y a un ijma par rapport à cela, il y a un ijma par rapport à cela. قال رحمه الله تعالى قال حفظه الله تعالى ولزمه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جمع فيه إنجي كذلك en plus d'avoir fait un péché il doit recommencer ce siyam là dans un autre jour de Ramadan ou plutôt en dehors de Ramadan tamam il doit rattraper cela dans un autre jour en dehors de Ramadan amma est-ce qu'il doit rattraper ou pas les ulama ils ont divergé par rapport à cela certains des ulama comme c'est le cas de l'imam al-Fawzan حفظه الله تعالى ils voient qu'il doit rattraper Lakin, la vie qui est juste, c'est qu'il ne doit pas rattraper cela. Parce qu'il n'y a aucune preuve, comme l'a dit Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, qui nous prouve que tu dois rattraper une chose que tu as délaissée. Il nous dit, c'est le même cas avec la prière. La prière, elle a des horaires qui sont bien impartis, qui sont bien connus. Celui qui fait sortir la prière de son temps, il n'a pas à rattraper cette prière-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, elle a des heures bien précises. Donc si jamais tu l'as fait sortir, c'est comme si jamais tu n'avais pas prié. Car ça, si Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré que la prière, elle a un temps bien réparti par rapport à cela, le fait que toi tu le fais sortir, c'est comme si jamais tu es en train de prétendre qu'il n'y a aucune hikmah dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis des horaires pour cela. Donc si jamais il a mis des horaires, c'est que pour qu'il y ait une hikmah dans cela, et qu'après cet horaire-là, cette prière-là, elle n'est pas valable. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu hakadha. Wakadhalika as-siyam. Kadhalika as-siyam. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que as-siyam il commence tamam de l'aube et il se finit barthlofikum avec la tombée de la nuit. Tamam, avec la tombée de la nuit, avec le coucher du soleil. Et que si jamais tu fais une chose qui va annuler ton œuvre, c'était plus compté comme un jeûneur, car tu as annulé ton jeûne. Donc il était plus possible de pouvoir le rattraper dans ce jour-là. Parce que le fajr, il est passé. Tu ne peux pas intentionner, après que tu as annulé ton jeûne, en plein après-midi, de pouvoir recommencer. Tu ne peux pas le rattraper. C'est mort. Parce que le début du jeûne, il a commencé à une heure bien précise. Tu ne peux pas revenir en arrière. Comme la personne qui a sorti le fajr, qui a prié après que le soleil soit levé, il ne peut pas revenir en arrière. C'est trop tard. Et il n'a pas à rattraper un jour après Ramadan, car il n'y a aucune preuve qui prouve cela. Au contraire, il doit se repentir vers Allah Azzawajal et faire beaucoup de siyam pour cela, comme l'a dit Cheikhana Yahya Hafzahullah Ta'ala. Comme cela est évoqué dans le hadith d'Abi Huraira fi Sunan, et authentifié par Cheikh Mokbel Waghiri, dans lequel Nabi Sussalam dit Awala ma yuhasabihi al-Habd yawm al-Qiyamah min amanihi salatuhu fa'in salahat. فقد أنجح وأفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر ثم يقول الله سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من عمل أو من نوافل حتى يجبر ما فرط فيه تمام وصحيح الحديث لا ينودي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا سائر الأعمال وصحيح الحديث لا كيوتنتيك وتطفي برشام من قبل الألباني et d'autres رحمهم الله تعالى dans lequel النبي صلى الله عليه وسلم dit la première des choses dans lequel le abd le serviteur l'aura à rendre compte c'est sa prière si jamais il a bien fait il aura certes réussi. Si jamais il a mal fait, il aura certes yani, il sera compté parmi les. Pardon, il aura certes yani, pas réussi. Et il nous dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dira est-ce que mon serviteur a des œuvres surérogatoires afin de combler ce qu'il a négligé parmi les œuvres obligatoires? Et il nous dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam et hakada, yani, c'est ainsi que seront jugées les autres œuvres. C'est-à-dire, la zakat, si jamais tu as négligé, si jamais tu as fait beaucoup d'aumônes surérogatoires, Inch'Allah, c'est la surérogation va venir, Inch'Allah, pour combler tes manques qui en est dans les obligations. Si jamais tu as négligé un jour de siyam ou plusieurs, le fait que tu as jeûné plusieurs jours en dehors de l'année, en dehors de Ramadan, Inch'Allah, on espère que ces œuvres-là seront assez suffisantes pour combler l'insuffisance, ou plutôt la négligence que tu as eue dans un jour. Donc il faut se reprendre vers Allah Azzawajal. Tu te reprends parce que tu as fait un péché, et Inch'Allah, faire beaucoup d'œuvres surrogatoires afin de combler ton manque dans l'obligation. Amma, de rattraper ce jour-là, tu ne peux pas le rattraper car le siyam Ramadan, c'est ma'rouf, il a 29 ou 30 jours. Si jamais tu sors de ces 29 ou 30 jours, tu n'es plus compté comme ayant gêné pendant Ramadan. Parce qu'il n'y a aucune preuve qui prouve cela, et ce n'est pas le même cas que on ne peut pas faire un qiyas et joindre son jugement avec les personnes qui est la femme qui a ses menstrues, ou bien celui qui est en voyage. Car il y a une preuve pour cela. Il y a une preuve pour cela, parce que ceux-là, ils font partie des gens qui sont excusés. À partir du moment que tu es excusé, tu peux récupérer. Amma, si jamais tu n'es pas excusé, comme c'est le cas ici, est-ce qu'il a fait ça volontairement, il n'est pas excusé, donc il ne rattrape pas. Il toube Allah Azza wa Jal et il fait beaucoup d'œuvres surrogatoires parmi les siyam. Ça, c'est la vie qui est sahih dans cette mas'ala. Qala wa yajibu alayhi ma'a qada'ihi al-kaffara. Donc il nous dit, en plus de cela, c'est-à-dire en plus de rattraper, mais comme on peut voir, ceci est une parole qui n'est pas juste, même. Certains de ulama, ils ont pris ceux qui voient que tu dois rattraper un jour, ils ont pris pour cela un hadith dans lequel le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit Soum, Yoman, Makanahu, et cette ziyad. Donc il a dit un jeûne, un autre jour, à la place de ce jour-là que tu as loupé. Les ulama, ils disent que cette ziyada, tam ce tajou, il n'est pas authentique. Cet ajout-là n'est pas authentique. Mais au contraire, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ou plutôt le hadith qu'ils ont été rapportés, lorsque tu réunis tous les turuq de ce hadith-là, toutes les versions de ce hadith, tu vois que la plupart, et la majorité même, de ceux qui l'ont rapporté, n'ont pas ramené ces rajouts-là. Donc c'est ma'rouf, lorsque tu as deux versions qui t'as même divergent, tu as deux manières pour pouvoir faire prévaloir une parole à une autre. La première, c'est quoi? Tu regardes. Et ceux qui ont rapporté ce hadith-là, ils sont plus nombreux que les autres. Comme ça, c'est un indice qui nous montre que ceux qui sont plus, ton cœur est plus apaisé de prendre le khabar des gens qui sont beaucoup plus nombreux à celui qui est quoi? Ceux qui sont peu. Ou sinon, si jamais ils sont du même nombre, tu regardes au niveau de leur descriptif, au niveau de leur biographie. Comment ils étaient dans la mémorisation, ceci, cela. Si jamais tu vois que ceux-là sont d'une meilleure qualité dans la mémorisation, tu dois prendre là, plutôt, tu vas pencher vers celui dont les descriptifs ils sont meilleurs. Et c'est le cas ici. Ils sont plus nombreux et ils sont beaucoup meilleurs aussi qu'à Dalika dans la mémorisation. Donc, ce hadith-là, comme l'a évoqué l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, même si jamais il est dans Sahih Muslim, ce hadith-là, il n'est pas authentique. Ça fait partie des hadiths qui ne sont pas authentiques, qui ont même été, évoqués dans le recueil de l'imam Muslim. Ce n'est pas toute chose qui est évoquée dans. Le recueil d'imams musulmans qui est authentique. Tamam. Il y a peu de hadiths pour cela, mais il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques, et ça fait partie des hadiths là qui ne sont pas authentiques. Comme on a pu voir, il n'y avait pas de preuve qui prouve que tu peux rattraper ton jeûne par rapport à cela. On n'avait pas de preuve qui prouve cela. Tamam. Donc le hadith qui est évoqué pour cela, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Même si jamais tu vas le voir dans musulman, tamam, ça peut te chambouler, te dire, mais non, en vérité, ceux qui ont dit que tu dois le rattraper, ils ont raison. Ce hadith-là, il n'est pas authentique. قال حفظه الله تعالى ويجب عليه مع قضائه الكفارة مكيله obligé qu'il donne pour cela une expiation تمام et cela يعني comme ça a été évoqué dans Bukhari wa Muslim de laquelle النبي صلى الله عليه وسلم a dit de la personne à la personne qui avait consommé le rapport pendant la journée de Ramadan un jour de Ramadan فقال قال النبي أو plutôt قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله il a dit j'ai mis ma personne en péril قال ما أهلكك C'est quoi qui t'a mis en péril? Il est dit, قَدْ وَقَعْتُ عَلَى مَرَأَتِي فِي رَمَضَانِ J'ai consumé le rapport pendant Ramadan. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدْ مَا تَعْتِقُ رَقَبَهِ Est-ce que tu as la capacité d'affranchir un esclave? فَقَالَ لَا فَقَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ As-tu la capacité de jeûner deux mois d'affilée successives? فَقَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ تَجِدْ مَا تُطْعِمُ 60 مِسْكِينًا As-tu la capacité de donner de donner la nourriture à 60 pauvres faqala la thumma jalasa fa ata nabiy sallam bi araqin fihi tamrin tam donc nabiy sallam ensuite il s'assit à côté du prophète sallam une personne qui est venue avec un grand panier dans lequel il y avait des dattes faqala nabiy sallam tasaddaq biha donc il dit donne en compensation de cela ces dattes là qui étaient dans le panier faqala ala afqara minni minna y a-t-il une personne qui est plus pauvre que nous Donc il faut donner à des miskines. Il a dit, c'est moi qui est le plus pauvre. Il y a des hadiths qui sont arrivés. Des hadiths qui ont été reprochés. Muntaqat. Al-Bukhari al-Muslim, Allah alam, je crois qu'Al-Bukhari, c'est à peu près 5 hadiths, un truc comme ça. Mais certains des hadiths, ils sont faibles, là tu vas trouver d'autres hadiths qui vont les fortifier en dehors de Bukhari al-Muslim. Et tu as des hadiths qui ne sont pas faibles. نترك الحمد لله شيء أخير إن شاء الله لا بس تمام يدود حديث يعني كسون أما مسلم سي أم تيبو بلس تمام مثلا الحديث dans lequel النبي صلى الله عليه وسلم l'a dit ou plutôt il a été prétendu que النبي صلى الله عليه وسلم l'a dit حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله يعني dans les 7 personnes 7 catégories de personnes qui vont profiter de l'ombre du trône d'Allah عز وجل يوم القيامة تمام dans lequel il nous dit parmi ces catégories celui qui dont يعني sa main gauche plutôt sa main droite ne va pas savoir ce que donne sa main gauche. Ils ont dit, le ulama, le ma'ruf, ce hadith-là, ils disent, il est maqloub, il a été inversé. Et ils disent, le ma'ruf, c'est ta main gauche, c'est ta main droite qui donne. Il est pour montrer que cette personne-là, elle était vraiment dans l'ikhlas, dans la sincérité, afin qu'une personne soit au courant de ce qu'il donne. Il a dit jusqu'au point où sa main droite ne sait pas ce que donne sa main gauche. C'est ma'rouf, lorsque tu donnes, c'est tu donnes par la main droite et pas à la main gauche. Il nous dit ce hadith-là, le maqloub. Et ça, c'est ma'rouf, c'est un hadith qui est dans Muslim et qui n'est pas authentique. Il y en a plusieurs, un petit peu plus que dans le Bukhari. Lakin, comme l'a dit l'imam al-Shafi'i, Abdallah, il a un ultime kitab. Rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est, il avait fait plusieurs révisions de son livre Ar-Risala, c'est un livre dans Usul al-Fiqh, dans les fondements de la jurisprudence. Il a révisé, à chaque fois qu'il faisait une révision, à chaque fois il a apporté une rectification. Et à chaque fois il rectifiait, il a révisé son livre au moins 7 fois. Et à la fin, il se dit, mais je rectifie et je trouve encore des choses à rectifier. Il a dit, à la fin, il a reconnu qu'en fait, il n'y a que le kitab d'Allah, il n'y a que le Coran qui est parfait. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, quoi que fait l'humain, il va toujours faire une chose et avec une erreur. Car la perfection, elle est auprès d'Allah Azzawajal et pas auprès d'autres personnes, plutôt auprès d'autres qu'Allah Azzawajal. Donc il y a certains hadiths qui ne sont pas authentiques dans les recueils de Bukhari ou Muslim. Lakin, ce n'est pas pour autant qu'on peut ne pas qualifier ces deux recueils-là comme étant des recueils authentiques. Une minorité de hadiths da'if ne l'emporte pas sur la majorité et le grand khair qu'ils ont rapporté, ces deux alim, rahimahumullah ta'ala. Donc Yanni, pour revenir au hadith, il a dit, vais-je Yanni donner le monde à une personne qui est beaucoup plus pauvre que moi? Parce qu'il faut donner à des pauvres. Donc il a dit, prends le panier et nourris pour cela ta famille. Car c'était la personne la plus pauvre dans le Médina. Dans la plus pauvre dans le Médina, il a dit, prends cela et nourris pour cela ta famille. Donc dans cela, Yannis, ça nous trouve qu'Anabi Sosalam, lorsqu'il lui a dit, as-tu la capacité d'affranchir un esclave, as-tu la capacité de jeûner d'affilée, as-tu la capacité de donner, de nourrir ces 60 pauvres, ceci nous prouve que Nabi Sosalam l'a voulu pour cela expier l'erreur de cette personne-là. Donc ceci nous prouve que c'est une obligation, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, et les ulama, ils sont tous unanimes que celui qui annule son jeûne avec le jimer, avec le rapport, il doit donner en compensation de cela une kaffar, une expiation. Ensuite, les ulama, ils ont divergé par rapport à cela. Est-ce que tu dois le donner dans l'ordre dans lequel il a été évoqué dans le hadith, c'est-à-dire affranchir, jeûner 2 mois différents, ou bien jeûner 2 mois différents, ensuite, si jamais tu ne peux pas, nourrir 60 pauvres. Ou bien, est-ce que tu as le choix par rapport à cela? Le hadith, comme vous pouvez le voir, Anabi Sallam, il l'a ramené dans l'ordre. Il n'a pas dit, est-ce que tu peux affranchir ou ceci, cela, ou bien ceci, cela. Il a dit, peux-tu affranchir, peux-tu faire cela? Donc ceci nous prouve qu'il y a un ordre à respecter. Certains des ulama, ils voient que la personne, elle est libre et elle a le choix par rapport à cela. Il y a un hadith qui est venu par rapport à cela, barakallahu fikum, mais ce hadith-là, kazalika, il n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Et ce hadith-là, il a été évoqué, kazalika, dans le recueil de l'imam muslim. Et ce hadith-là, ils ont dit, kazalika, il est chaz. Cette riwayat-là, cette version dans laquelle il est dit, que, ou plutôt il est évoqué le love aou, c'est-à-dire qu'il a le choix, et il dit c'est une version qui n'est pas authentique, dont la plupart des versions est tout à fait différente de cela. Donc cette version-là, il n'est pas à prendre en compte, comme l'a dit l'imam Nawawi, as-Sanhani kazalika, rahmatullah alayhima. Ce qu'il voulait lorsqu'il doit affranchir une esclave, ou un esclave, n'am, c'est quoi, barakallahu fikum, esclave qui est mu'min. Même si jamais cela n'est pas été évoqué dans le hadith, hal tajid ma ta'tiqu raqaba, yani as-tu la capacité d'affranchir un esclave? L'esclave ma'rouf, c'est celui qui est mu'min. Comme a dit un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a demandé à l'esclave, où est Allah azza wa jal? Ayna Allah faqalat fi as-sama, faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a'tiqha fa innaha mu'mina. Affranchis-la car elle est croyante. Les ulama comme l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala nous dit que tout texte dans lequel il est évoqué qu'il faut affranchir un esclave, ou un esclave, à partir du moment qu'il n'est pas restreint le fait qu'il doit affranchir un esclave ou une esclave yani, qui est croyante, il nous dit ce hadith-là, il suffit pour que tu restreins tous les hadiths dans lesquels il n'est pas évoqué cette restriction-là. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'a pas évoqué cela, yani la sunna a restreint la sunna. Hal tajid ma ta'tiqu raqaba, yani hal tajid ma ta'tiqu raqabatan mu'mina. As-tu la capacité d'affranchir un esclave qui est quoi? Qui est musulman. Quant au fait de jeûner 2 mois d'affilée, ça c'est une obligation. Celui qui ne jeûne pas 2 mois d'affilée, il ne fait pas suivre cela. Il ne fait pas suivre cela, il ne fait pas succéder les jours un après l'autre. Il devra recommencer du début. il a jeûné, on va dire, allez, un mois et demi, et ensuite il a laissé un jour. Est-ce qu'il peut reprendre après ce jour-là? Il fait comme si jamais il avait jeûné un mois et demi, et ensuite il jeûne de manière successive, là, il recommence du début. Il recommence du début. Jusqu'à ce qu'il jeûne deux mois successifs, comme un, قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Il y a une divergence dans cela, laquelle on ne doit pas prêter attention à cette divergence-là, que le hadith il est clair. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ As-tu la capacité de jeûner deux mois d'affilée? Donc il faut jeûner deux mois d'affilée. Celui qui laisse un jour, il n'a pas d'excuse pour cela. Il devra recommencer. Même si jamais tu es malade d'une maladie, comme on a pu le voir, qui va aboutir à ce que tu vas ressentir une grande difficulté, non. Tu délaisses ce jour-là et ensuite tu recommences comme. Tu reprends du jour où tu t'es arrêté. Tu as jeûné un mois et demi, tu t'es arrêté parce que tu étais malade pendant deux jours. Lorsque tu es guéri, tu recommences. Tu fais comme si jamais tu avais jeûné un mois et demi et tu recommences pour cela. Même si jamais tu n'as pas d'excuse, tu recommences du début. Et qu'à les cas, celui qui est en voyage. À partir du moment qu'il n'a pas l'intention lorsqu'il voyage de prendre une pause dans ses mois successifs. Amma s'il fait ça, qu'il m'a connu le sum, innama l'amal bin niyat. C'est comme si jamais il avait quoi? Délaissé volontairement ce jeûne-là. Donc il n'y a pas. On ne peut pas zigzaguer par rapport avec les textes. Hein. On ne peut pas jouer avec les textes. Tu sauras comment ça s'appelle, pris par rapport à ton attention. Tu as un pris par rapport à ton attention. Mais si jamais tu voyages parce que tu as vraiment. C'est darouri, tu as même de voyager pour toi. Donc dans ce cas-là, tu reprends. Lorsque tu reviens en voyage, après ce moment que tu es résident, à partir de ce moment-là, tu reprends le jeûne comme tu l'avais laissé. Même si on dit, s'il avait la capacité, c'est mieux pour lui de jeûner pendant le voyage, car on a pu le voir que c'est tout à fait possible. Et de nourrir 60 pauvres, ça c'est ma'arouf, 60 pauvres, que ce soit un jour après l'autre, ou 60 d'un seul coup, à partir du moment que tu lui donnes, tu nourris 60 pauvres. 60 pauvres. Et comme on a pu le voir, la nourriture doit être yani, mimma tut'imu ahlikum kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas tu lui donnes une date et tu dis je le nourris. Là. Une nourriture avec laquelle lorsqu'il va manger il sera rassasié. La nourriture la ma'ruf, un repas avec lequel il va être rassasié. Comme ce que tu donnes à ta famille kama qala subhanahu wa ta'ala mimma tut'imu ahlikum min awsat ma tut'imu ahlikum. Non plus c'est pas tu vas lui ramener comment on va dire du caviar ou bien tamam. Lakin un repas modeste tamam avec lequel il sera rassasié. N'am. Et cette kafara, l'expression alankum ka l'homme, et non pas à la femme. Car, lorsqu'on a regroupé, lorsque les ulamas ont regroupé toutes les versions de ce hadith-là, ils ont pu voir que Nabi Sallallahu Alaihi a adressé cette kaffara, cette expression, qu'à la personne, il n'a pas évoqué la femme. Dans une version, il dit, tasaddaq biha, dans le hadith que je vous ai évoqué, il lui a dit, donne cela en aumône. Dans une autre, il a dit, anafsika, donne cela pour toi. Et dans l'autre, il a dit, at'im, hadha anka, nourris. Pour cela, nourris, des gens pour toi, en fait, pour te décharger de cette expression. Dans une autre, il lui dit, hel tajid, trouves-tu, trouves-tu, il n'a pas dit, trouvez-vous. Kazalika, il a dit, hel testate, es-tu capable, et d'autres, alphas qui nous montrent que la kafara, l'expression, elle est adressée à l'homme et non pas à la femme. Donc, il n'y a pas à faire entrer la raison par rapport à cela. Pourquoi les deux ont fait, la femme comme l'homme, ils étaient consentants? Pourquoi c'est l'homme qui devrait jeûner? Ou peut-être c'est l'homme qui devrait prendre en compte sur son dos la kaffara et la femme non. Alors qu'elle, kazalika, elle a fait, elle était consentante. La femme, elle a un péché. Elle a péché. Et toi, tu ne dois pas faire précéder ta raison au texte du Coran et de la Sunna. Car cela, c'est une sifa et c'est une caractéristique des kuffars qui m'ont dit Allah subhanahu wa ta'ala, taqaddimu bayna yadayn Allah wa rasulihi wa taqullah. Ne faites pas précéder à la parole d'Allah azza wa jalla et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et craignez Allah. L'imam Nuqayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit, c'est connu, ceux qui faisaient cela, c'était qui? Les kuffars et les munafiqoun. Comme les hypocrites et les mécréants. Il est venu un hadith qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors des deux recueils de Bukhari wa Muslim, dans lequel il nous a dit que cet homme-là avait dit, halaktu wa ahlaktu. Halaktu wa ahlaktu. Je me suis mis en péril et j'ai mis en péril ma femme. Ils nous disent, le fait qu'il a dit, j'ai mis en péril ma femme, au fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là, fait un jugement par rapport à sa fatwa, par rapport à la chose qu'il lui a dit. Lorsqu'il a dit, je me suis mis en péril et j'ai mis en péril ma femme, et Nabi Sallam, il a dit, donc il faut faire ceci, cela, par rapport au fait que tu t'es mis en péril, que tu as mis en péril ta femme. Ils nous disent donc que ça rentre pour cela, la femme et l'homme. Laquelle, cette version-là, elle n'est pas authentique. Quand même, c'est une version qui n'est pas authentique et qui est qualifiée de faible, comme l'a qualifié Cheikhuna, hafidhahullah ta'ala, Mohamed ibn Hizam, hafidhahullah ta'ala, donc, à la femme, il n'est rien demandé. Ne serait-ce que qu'elle se repent vers Allah Azza wa Jal, car elle a été consentante. Mais si elle a été contrainte, si elle a été contrainte, c'est marouf, la contrainte c'est une excuse. Et hata, yani, même si la personne elle lui est demandé de mécroire, quand même, par contrainte, elle n'est pas considérée comme un kafir, c'est marouf. Et ça c'est bijma' al-muslimin. Ils sont tous d'accord sur cela. قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Il dit Allah سبحانه وتعالى dans ce verset, celui qui n'est jugé de, comme mécréant, c'est celui lorsqu'on le contraint, il est consentant avec la contrainte. Il est consentant. Mais si jamais celui lorsqu'il est contraint et qui n'est pas consentant avec cela, il n'est pas un kafir, c'est pas un mécréant. Par rapport au message et au sujet kadalika qui se rapporte au fait de consommer les rapports pendant la journée de Ramadan, ils nous disent les ulama, il y a ni combien de kafara il doit sortir celui qui dans la même journée il a consommé les rapports plusieurs fois sans pour cela entre temps avoir sorti yani, l'expiation pour cela dans la même journée il a fait cela 5 fois on va dire. Est-ce qu'il doit sortir 5 kafara, affranchir 5 esclaves, jeûner 10 mois consécutifs, nourrir 300 pauvres et la khiri? Non. Ils ont dit, le fait qu'il a fait ça une fois dans la même journée, c'est compté comme quoi? Comme une kafara. Parce que la kafara, elle est par rapport au fait que tu as quoi? Annulé ton jeûne. Tu as annulé ton jeûne dans cette journée. Donc le fait que tu as annulé dans cette journée-là, tu dois donner une kafara, même si jamais tu l'as fait, na'am barakallahu fikoum, 5 fois, 10 fois pour cela. Car à partir du moment où tu l'as fait une fois, tu n'es plus compté comme jeûneur. Donc après, les rapports que tu fais après cela, c'est des rapports que tu fais, mais tu n'es pas en état de jeûneur. Tu es compté comme quelqu'un qui a rompu le jeûne volontairement et qui n'est pas excusé pour cela. Donc à partir du moment que tu as fait une chose en dehors du jeûne, on ne peut pas lier ce jugement-là qui est de sortir l'expiation pour une chose dans laquelle toi tu n'es pas jeûneur. Car l'expiation, elle est lorsque tu es jeûneur. Tu as jeûné et tu as rompu ton jeûne en faisant une chose qui est haram. Ou plutôt en faisant les rapports. Donc qu'il fasse 5-10 fois, c'est dans la même journée, dans la même journée, il doit donner une seule kafara, et ça, c'est l'ijma'. Il y a un ijma' par rapport à cela, les ulama sont tous unanimes par rapport à cela, comme l'a évoqué l'imam Ibn Abdul Bar et l'imam Kadalika Ibn Qadama, rahmatullahi alayhima. Quant à celui qui consomme dans une journée, il a consommé dans une journée de Ramadan, le lendemain, il recommence. Il consomme Kadalika les rapports pendant la journée de Ramadan. Combien de kafara il doit donner? Est-ce que c'est une pour les deux jours, ou bien il doit donner en compensation de cela une expiation à chaque jour? Non, il doit donner en compensation de cela une expiation pour chaque jour, car à chaque jour il y a un compte de jeûner. Donc il a rompu dans le premier jour, il a rompu kazalika dans le deuxième jour. Donc il a rompu deux fois dans deux moments où il était demandé de jeûner. Donc il doit donner de kafara. De kafara, parce que chaque jour de Ramadan c'est une ribada à part entière. C'est une ribada à part entière. Donc il doit donner une kafara pour chaque jour qui va consommer les rapports si jamais il le fait. Kadalika, quant à celui, dans la même journée, il consomme les rapports, ensuite il donne une kafara, il a franchi, ou bien, Bartlofikum, il donne la nourriture à 60 pauvres. À main de jeûner deux mois consécutifs, c'est pas possible. Donc il a franchi, ou bien il nourrit. Et ensuite il recommence, après avoir donné l'expression. Est-ce qu'il doit recommencer encore à redonner une deuxième expression parce qu'il a fait ça deux fois dans la même journée après qu'il a donné l'expression? Certains ulama ont dit qu'il doit recommencer. Pourquoi? Parce qu'il a donné une expression, donc c'est comme s'il recommençait. Il doit recommencer notre expression. Certains ulama disent non. Il doit donner une seule expression par rapport à cela. Pourquoi? Parce que la première, il l'a fait en état de jeûne. Il était en état de jeûne et il a rompu son jeûne en faisant une chose qui est haram, consommer des rapports en pleine journée de Ramadan. Tandis que la deuxième fois, il n'était plus en état de jeûne parce que son jeûne, khalas, il est annulé. Il est annulé et il doit se repentir vers Allah Azzawajal et faire beaucoup d'œuvres surérogatoires afin de combler sa négligence. Mais la deuxième fois qu'il a fait ça, même si jamais c'est dans la même journée, même si jamais il a donné pour cela une première kafara, une première expression, il doit pour cela, il n'a pas à redonner une expression. Pourquoi? Une kafara, pourquoi? Parce qu'il n'est pas compté en tant que jeûneur. Et la kafara, elle est pour celui qui est en état de jeûne et qui a rompu son jeûne. Lui, il n'est pas en état de jeûne parce qu'il a annulé son jeûne en faisant al-jima', le rapport sexuel. قال رحمه الله تعالى وهي عتق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها فعليه أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإن لم يقضي على ذلك لعذر شرعي فعليه أن يطعم 60 مسكينا لكل 60 لكل مسكين نصف صاع من طعام مأكول في البلد. Il nous dit, الشيخ, donc il nous fait un détail des kafara qui doit sortir. En premier, comme on a pu le voir, il doit donner, il doit affranchir un esclave. Il dit, si jamais il n'a pas la capacité d'affranchir, il n'a pas d'esclave, alors il donne Yaniyesh, il donne la valeur, il doit sortir, il doit donner pour cela la valeur de l'esclave. Il nous dit, si jamais il n'a pas la capacité pour cela, il doit jeûner 2 mois consécutifs. S'il n'a pas la capacité, parce qu'il y a une raison pour cela, c'est-à-dire soit il est en voyage ou bien il est malade, il a akhiri, parmi les excuses, dans ce cas-là, il nous dit, il doit nourrir 60 pauvres, et pour cela, il dit, il doit donner la moitié d'un sa'a. Et comme on a pu le voir, ce n'est pas la moitié d'un sa'a qui est légiféré, tu donnes, il y a comme Allah subhanahu wa ta'ala, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Il y en a parmi les repas, le repas qui est modéré, que vous donnez à vos familles, que vous donnez dans vos foyers. Qala rahimahullahu ta'ala. Et le hadith, il nous prouve cela, comme on a pu le voir par avant. Qala rahimahullahu ta'ala, wa inzal al-mani. Donc il nous dit parmi les choses qu'il a qui annule le jeûne, le fait de que si jamais la personne, son sperme, il sort de son sexe, il dit à partir de ce moment-là, il doit, son jeûne kadalika, il sera pas compté, pas valide. Il dit, inzal al-mani bi sababi taqbilin aw lamsin aw istimna aw takririn aw takririn nazarin. Il nous dit pour cela, que ce soit qu'il ait embrassé pour cela sa famille, ou bien qu'il ait touché, ou bien qu'il ait utilisé pour cela al-istimna, et ou bien alors qu'il regarde plusieurs fois une chose qui va aboutir à ce que son sperme sort de son sexe. Il y a un mot qui est utilisé pour cela, ça s'appelle l'onanisme. Lakin, wallah alam. Yani se masturber, celui qui se masturbe. Ça, c'est la mas'ala qu'on va voir. Donc, il nous dit, celui dont son sperme, il sort de son sexe, par ces choses-là qu'il a évoquées, shir, yani, rahimahullah ta'ala, par n'importe quelle cause, pour cela. C'est-à-dire qu'à partir du moment que lui, il le fait volontairement, que ce soit par le regard, il regarde une chose, ou bien que, comme on a pu le voir à l'instant, ou bien qu'il a embrassé sa femme, il a khiri. Si jamais il nous dit shir, il fait cela, comme il nous dit après, فَإِذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلَكَ فَسَدَ صَوْمُ. S'il fait une chose parmi ce qu'il a évoqué, son siyam, il sera annulé, il ne sera pas valide. Il nous dit, وَعَلَيْهِ قَضَى فَقَدْ دُونَ الْكَفَّارَ. Et il nous dit, il devra rattraper ce jour-là sans donner une expiation. لِأَنَّ الْكَفَّارَ تَخْتَصُ بِالْجِمَعِ. Il nous dit, parce que la kafara, l'expiation, elle est restreinte à quoi? Au rapport, au rapport avec le rapport que tu consommes. Amma, le fait de se masturber et l'akhiri, il nous dit que ça ne rentre pas dedans. La plupart des ulama, comme c'est le cas des 4 imams de la jurisprudence, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmed ou Abu Hanifa, rahimahumullahu ta'ala, et kazalika la plupart des savants, ils voient que celui qui fait ces choses-là, qui ont été évoquées, son siyam, il sera annulé, il ne sera pas valide. Ils prennent pour preuve pour cela la parole du prophète qui dit, ou plutôt dans le hadith qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, yad'ud yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli la délaissé, sa boisson, son ta'am, ses aliments, et la délaissé sa passion pour moi. Et ils nous disent, le fait qu'il délaisse, de délaisser la passion, ça rentre, il y en a toutes les choses, c'est pas forcément barakallahu fikum comme al-jima', de consommer le rapport, mais il dit kazalika, ça rentre toutes choses qui vont faire que ton sperme va sortir, que ton sperme il va sortir, et quelles que soient les causes pour cela, à partir du moment que tu le fais volontairement, mais que tu es la cause de cela. Ils nous disent, Yanni, que son jeûne ne sera pas accepté. L'imam Ibn Hazm, ou kazalika l'imam Al-Albani, rahimahumullah ta'ala, et d'autres, ils voient que le siyam, ou plutôt kazalika al-Sanhani, ils nous disent que son siyam n'est pas invalide, car il n'y a aucune preuve qui nous prouve cela. Qui nous prouve que la masturbation et autres sont des choses qui vont annuler ton siyam. Ils nous disent qu'il n'y a aucune preuve par rapport à cela. Ils nous disent, quant au qiyas, l'analyse qu'ils ont pu faire et pour joindre la masturbation avec le fait de consommer le rapport, ils nous disent que ça, c'est deux choses qui sont différentes. Mais ils disent qu'est-ce qui est voulu dans le hadith, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith Qudsi, yada shahwatahu, il délaisse sa passion, ou plutôt ses passions, il dit c'est quoi? C'est de consommer ses rapports, de consommer les rapports charnels avec sa femme. Il dit c'est ce qui est voulu dans le hadith et pas autre chose. Les ulama ils disent non, ça rentre aussi kadhalika, la masturbation, car lorsque la personne s'est masturbée, c'est ma'ruf, yani c'est le désir qu'il avait, qu'il a pu trouver, la passion qu'il a pu trouver avant cela, tamam, il la retrouve plus après qu'il se soit masturbé. Il nous dit c'est la même chose que celui qui a consumé, yani les rapports avec sa femme. Il ne retrouve plus cette envie-là qu'il avait avant cela, sachant que c'est haram, même c'est haram. Hein. On ne dit pas que ce qu'ils ont dit par rapport à l'imam, l'imam Ibn Hazm, wakadalika Sanhani, wakadalika l'Albani, tamam. Ils disent yani, que ça, barthofikum, c'est une chose qui est haram. Hein. C'est une chose qui est haram. Et la parole qui nous prouve cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَبْتَغِي وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Donc après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a évoqué les choses qui étaient permis de faire, tamam, avec le rapport, on dit فَمَنْ يَبْتَغِي وَرَاءَ ذَلِكَ, celui qui recherche une chose en dehors de cela, فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ce sont les gens, ceux-là ont transgressé. Al-Sheikh al-Fawzan, hafidhullah ta'ala, nous dit, ça rentre dedans quoi? La masturbation. Car la masturbation, c'est pas une chose qui a été légiférée pour cela. Les rapports sexuels que tu peux voir avec ta famille ou bien avec quoi, comme avec tes servants, si jamais, comme c'était le cas à l'époque. Et celui qui cherche une chose en dehors de cela, il a transgressé. Donc Yanni, il a commis un péché. Donc Yanni, que ce soit qu'il voit et que ça annule ou pas, c'est un péché. C'est un péché qu'il a commis. Lakin, est-ce que ça annule ou pas? Naam, ça annule. Pourquoi? Comme on a pu le voir, parce que c'est la même chose. Et ceux qui ont joint le jugement de la masturbation avec les rapports, et Annie, c'est la même chose. Ils voient parce que les deux, ils ne retrouvent plus la passion et ce désir qu'il avait après qu'il ait fait ces choses-là. Donc, Annie, c'est la même chose. Ça rentre dans l'apport d'Allah Azzawajal, qui est le hadith Qudsi, il a délaissé ses passions. Il a délaissé ses passions, Annie, ses envies charnelles. Donc là, c'est la même chose. Ça rentre dedans. Lakin, est-ce qu'on dit la personne qui s'est masturbée doit donner en compensation de cela une kaffara, une expression? Non, il n'y a rien qui nous prouve cela. Lakin, ça annule le siyam. Ça annule le siyam, car une chose qui nous prouve cela, c'est quoi? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith Qudsi, yada shahwatahu. Et cette personne-là, elle n'a pas délaissé ses passions. Elle n'a pas délaissé ses passions. Donc, la vie qui est juste, c'est la vie de la majorité des savants qui nous disent que son jeûne, il est annulé. Son jeûne est annulé. Il nous dit, al-imam al-shawkani, hafidhahullah ta'ala, il nous dit toute chose que le serviteur, il aura fait pour que son sperme sorte de son sexe, il nous dit toute chose qu'il aura, que lui-même il aurait été la cause de cela, il nous dit eh ben, dans ce cas-là son jeûne il sera annulé. Son jeûne sera annulé, parce qu'on va le voir, c'est pas tout à chaque fois que le sperme sort de ton sexe que tu dois que ton jeûne il est annulé. قال رحمه الله تعالى والنائم إذا احتلم فأنزل فلاش عليه وصيامه صحيح لأن ذلك وقع بدون اختياري لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. Il nous dit, حفظه الله تعالى, que celui qui dort et qui voit que après cela, qui s'est réveillé, que naham son sperme est là et il est sorti de son sexe, tamam. Il dit à cette personne-là, لاش عليه. Il ne doit pas rattraper son siam, كذلك, il n'a pas commis un péché parce qu'il n'a pas fait de bonne volonté. Lakin, c'est une chose qui est sortie de sa volonté et qui arrive, tamam. Donc il n'est pas, il n'a pas commis pour cela un péché, son siam kadalika, il n'est pas annulé. Et la preuve qui nous prouve cela, qulu subhanahu wa ta'ala, lakin, naham, laysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Vous ne serez pas réprimandé par les choses que vous avez commis par erreur, lakin, par les choses que vous avez commis, yani de pleine volonté, tamam, de pleine volonté. Donc la personne elle est réprimandée et les jugements ils sont reliés à la chose que tu fais volontairement, comme l'a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala et Cheikh l'Islam wa kadhalika Ibn Abdul Barr wa kadhalika l'imam Nawawi rahimahumullah ta'ala. Il nous évoque que celui qui fait ça il n'est pas il n'a pas recommencé à siyam, et ça c'est bilijma' tamam, il n'a pas recommencé le siyam et ça c'est bilijma', lakin kama qala Cheikh hafidhahullah ta'ala, il doit recommencer, il doit se laver pour cela, tamam. Il dit celui qui dort et ensuite il a fait un rêve qui a donné conséquence sur la sortie de sperme, il dit il ne doit pas recommencer. Son siyam il est valide, il a fait cela sans volonté. Il doit se laver, tamam, il doit faire les grandes ablutions, al-ghusl. Parce qu'il va devoir prier après. Il doit prier la prière du maghrib et l'asr, donc il doit se laver. Qala rahimahullah ta'ala. الأكل أو الشرب متعمدا لقوله تعالى كل مشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تيم الصيام إلى الليل دي شيخ الفوزان حفظ الله تعالى كذلك de boire et de manger volontairement ceci annule ton siyam car Allah subhanahu wa ta'ala dit buvez ou plutôt mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez différencier le trait blanc du trait noir de la nuit du fajr tamam ثم تيم الصيام من الليل accomplissez et plutôt compléter votre siyam jusqu'à ce que la nuit tombe, c'est-à-dire jusqu'à le coucher du soleil, comme l'a évoqué un Nabi sallam dans le hadith muttafaqan alayh selon Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Et les ulama kadhalika sont tous unanimes sur cela. La aya, c'est une preuve claire sur cela, que tu dois délaisser ta boisson et les aliments jusqu'à ce que le soleil se couche. Jusqu'à ce que le soleil se couche, tu dois délaisser cela. Et les ulama sont tous unanimes sur cela. Il n'y a aucune divergence à ce sujet. Ils disent At-taham wa sharab, ce qui est voulu sur cela, dans la ayah, dans le verset Kadalika, dans l'ijma' des ulama, sur lesquels ils sont tous unanimes, c'est les choses qui sont naham, qui sont nutritifs. Le ta'am qui est nutritif, ma'aruf, yani celui que tu prends yani, pour te nourrir, Kadalika, la boisson que tu prends pour barakalafikum, t'hydrater. Ensuite, on va voir, Inch'Allah, dans un prochain cours. Car ça va être un peu juste, car il y a plusieurs choses. Il y en a toutes choses qui rentrent, il y en a dans ta gorge et que tu avales, que ce soit ta salive, que ce soit Naham, Mathalan, t'as avalé, on va dire un molar, ces autres choses-là. Est-ce que c'est compté comme une chose, comme une rupture de ton jeûne ou pas? On va le voir, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Mais juste, c'était pour faire un petit tanbih, pour attirer votre attention sur le fait que l'ijma' qui est voulu, l'unanimité qui évolue, c'est sur la chose, sur les aliments, et kadalika, la boisson qui hydrate et les aliments qui sont nutritifs. Donc on parle de la nutrition. Ils sont tous unanimes par rapport à cela. On verra qu'il y a des divergences. Le fait que si quelqu'un, il a avalé un bout de bâton, ou bien c'est une personne qui a avalé un peu de sa salive, il a khadihi, on verra que les ulama ont évoqué d'autres choses. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, plutôt hafidhahullah ta'ala, amma man akala. Celui qui a bu et qui a mangé involontairement plutôt, qui a oublié pour cela, il dit ceci n'aura pas d'influence sur son siyam, c'est-à-dire qu'il sera valide. Et dans le hadith, rapporté par Bukhari ou Muslim, comme ceci est évoqué dans le bas de page, il nous dit celui qui mange et boit en l'ayant oublié, qui continue son jeûne, car c'est une ni'ma min Allah azawajal, et c'est un risque min Allah azawajal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri, qui l'a déshydraté, si on peut dire cela. Donc ceci nous prouve qu'il est tout à fait possible, ou plutôt il y en a celui qui a bu ou mangé involontairement, ou qui a oublié pour cela, son siyam ne sera pas annulé. Et ce qui nous prouve cela, le hadith, comme cela a été évoqué, كذلك لا آية ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Vous ne serez pas recommandé par rapport aux choses que vous avez fait involontairement ou bien par erreur, mais lakin, les choses que vous avez fait volontairement. Donc là, il a été, c'est une chose qui est involontaire, une chose qui est involontaire. Lakin, yajib à la personne qui voit son frère ou bien sa sœur en plein Ramadan, il sait qu'il est, il ne fait pas partie des gens qui sont excusés. S'il le voit en train de manger ou bien boire, il a oublié pour cela, il doit lui rappeler. Car Nabi Sallam l'a dit, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adana al-iman. Donc si jamais tu vois une chose qui est réprimandable, comme c'est le cas de celui qui boit, le fait qu'il boit, même si jamais il le boit avec oubli ou bien volontairement, c'est quand même un munkar, c'est une chose qui est réprimandée dans l'islam. Donc tu dois lui dire, et Akhi, n'oublie pas que tu es jeûneur, ou bien tu prends sa main et tu l'empêches de boire, en lui rappelant que tu es jeûneur, en lui rappelant que tu es jeûneur, si tu ne fais pas ça, tu auras commis un péché, et le fait que tu lui dises, et Akhi, tu es jeûneur, tu ne peux pas faire une chose en dessous de cela, que tu réprimandes cela par ton cœur, tu dois le dire, tu dois le faire soit par ta main, tu l'empêches de boire, ou bien tu dois le faire en lui disant, ya Akhi, intabi, ya orte, anti saima, tu es jeûneur, tu es en état de jeûne. Tu délaisses le tahrir munkar, tu ne rectifies pas, et lakin ton cœur il réprimande cela, ça c'est pas suffisant. Ça c'est pas suffisant. Inch'Allah, on va se contenter de cela. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله le prochain cours vendredi إن شاء الله venir جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين